Sonnet, Théophile Gautier. Vous étiez sous un arbre, assis en robe blanche, quelques ouvrages à la main, à respirer le frais. Malgré l'ombre, bon, pénétrer jusqu'à vous, filtrant de branche en branche. Il jouait sur le sur le col, sur la hanche, vous reculiez le ciel, et puis l'instant d'après, pleuvait d'autres rayons sur vos divins arbres. Comme des gouttes d'eau d'une qui s'est à peau Dieu du jour, essayez de poser à vos lèvres de rose. Un ancien de la salle lui expliquait la chose. Trop vif était l'amour, trop brûlant le débris, et comme la Daphné.